Aujourd'hui, tu vas écouter une très jolie histoire. Tu vas entrer dans un monde enchanteur et découvrir un conte merveilleux. Ce conte, qui dure à peu près 45 minutes, a été divisé en 4 parties ou 4 épisodes, si tu préfères. Ceci pour que tu ne sois pas obligé de tout écouter dès la première fois. Tu pourras donc, selon ton désir, entendre cette histoire en entier ou bien l'arrêter après chaque épisode et la reprendre plus tard. De toute manière, n'aie pas d'inquiétude, je serai là pour te guider tout au long du récit. Mais chut, il me semble entendre des pas. Je te laisse, ça va commencer. À tout à l'heure. Nous allons nous promener. Le chat est notre ennemi, bien rusé et dégourdi. Grâce à notre habileté, nous évitons le danger. Que l'on soit souris futée ou bien mulot avisé, pour trouver du fromage, si vous perdez une dent, mettez-la sous l'oreiller. Ensuite, sagement, allez dormir un peu et à votre réveil, voyez. La dent s'est envolée, un cadeau l'a remplacée, petite souris est passée. Conseil aux enfants, si vous perdez une dent, mettez-la sous l'oreiller. Ensuite, sagement, allez dormir un peu et à votre réveil, voyez. La dent s'est envolée, un cadeau l'a remplacée, petite souris est passée. Un jour que je me promenais dans la forêt, je butais sur un étrange objet. Me penchant pour le ramasser, je m'aperçus qu'il s'agissait d'un gros livre. Curieux de nature, je commençai à le lire. Il racontait l'histoire de deux petites souris, Nimbus et Mirette. Et je vais aujourd'hui vous en faire le récit. Par un beau jour d'été ensoleillé, Mirette, une petite souris, s'affairait dans sa maison. Balayant, époustant, elle faisait son ménage avec entrain et bonne humeur. Lorsque soudain, on sonna à sa porte. C'était son ami Nimbus. Bonjour Mirette. Bonjour Nimbus. Oh, belle journée aujourd'hui. Fait un temps magnifique. Voudrais-tu venir te promener avec moi? Ah oui, volontiers. J'ai terminé mon ménage, ça me fera du bien. Nous pourrions aller sur le bord de l'étang. Il y règne une douce et agréable fraîcheur. D'accord. J'avais justement envie de cueillir quelques fleurs pour décorer ma maison. Oh, mais j'y pense. Nous pourrions peut-être pique-niquer. Il doit me rester un gros morceau de fromage. Très bonne idée, Mirette. Mirette se dirige alors vers le meuble lorsqu'on entend un grand bruit. Devant la porte des souris apparaît une forme étrange. C'est la panique générale. Les souris courent se cacher sous la table. Je ne sais pas. Allons voir. Les souris sortent de leur cachette et s'approchent tout doucement de la forme allongée devant leur porte. Attention, Nimbus, c'est peut-être dangereux. Non, je ne crois pas. Rien ne bouge. Rapprochons-nous encore un peu. Oh, mais c'est un oiseau. On dirait qu'il est blessé. Viens m'aider, Mirette. Bouleversés et surpris, Mirette et Nimbus tirent l'oiseau blessé par les ailes et l'allonge doucement sur le lit. Pauvre oiseau, il a l'air bien mal en point. Oh, mais voilà qu'il revient à lui. Où suis-je? Ne t'inquiète pas, tu es ici en sécurité. Mais qui es-tu? D'où viens-tu? Que t'est-il arrivé? Eh bien voilà, je m'appelle Philémon et ceci est mon histoire. Habitant dans la forêt de Bagor, je survolais un jour la chaumière de la sorcière bien connue, Nécrochu. Mes parents m'avaient pourtant toujours dit de ne pas m'en approcher. Hélas pour moi, ce jour-là, Nécrochu m'aperçut et d'un coup de sa baguette magique me jeta un sortilège. Depuis ce jour, je ne peux plus déployer mes ailes. Et pour un oiseau, ne plus pouvoir voler, c'est bien triste. C'est bien métier. Je suis donc condamnée à marcher et je suis bien fatiguée. Mais comment pouvons-nous t'aider? Seule la sorcière Nécrochu, qui m'a jeté ce sort, détient la potion qui me rendra l'usage de mes ailes. Eh bien, ne t'inquiète pas. Tu vas te reposer ici et pendant ce temps, nous irons chez cette sorcière. N'est-ce pas, Nabuse? Oui, oui, bien sûr. Et nous te rapporterons cette potion. Merci, mes amis. Mais prenez garde. Nécrochu est très méchante et son chat terrifique n'a rien à lui envier. Un chat? Oh mon Dieu, mais il ne fera qu'une bouchée de nous. Allons, Mirette, n'aie crainte, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Allez, dépêchons-nous, le chemin risque d'être long. À bientôt, Philémon, repose-toi bien. À bientôt, mes amis, et bonne chance. Fin du premier épisode. Eh bien, pauvre Philémon, les souris vont-elles trouver la potion qu'il guérira? Tu le sauras en écoutant la suite dès maintenant ou plus tard, si tu le veux.